Wang Po. L'essentiel de la méthode. Entretien numéro 5. Il suffit aux adeptes qui veulent connaître une formule secrète essentielle de ne rien accrocher à leur esprit. Quand on parle du véritable corps absolu du Bouddha, on le compare au ciel. Il est métaphorique de dire que le corps absolu est le ciel et que le ciel est le corps absolu. Les gens ordinaires disent que le corps absolu occupe l'espace céleste, que cet espace est le contenant du corps absolu. Ils ignorent que le ciel est le corps absolu, que le corps absolu est le ciel. Quand on affirme l'existence du ciel, le ciel n'est plus le corps absolu. Quand on affirme l'existence du corps absolu, ce corps n'est plus le ciel. Il suffit de ne pas expliquer conceptuellement le ciel pour que celui-ci soit le corps absolu, et de ne pas expliquer conceptuellement le corps absolu pour que celui-ci soit le ciel. Il n'y a pas de différence entre le ciel et le corps absolu, pas de différence entre le Bouddha et les êtres vivants, pas de différence entre le samsara et le nirvana, pas de différence entre les passions et l'éveil. Qui est détaché de tous les caractères particuliers est Bouddha. Les gens du commun préfèrent les objets et les mystiques et l'esprit. La vraie méthode consiste à oublier à la fois les objets et l'esprit. Or, s'il est facile d'oublier les objets, il est très difficile d'oublier son esprit. Les gens n'osent pas oublier leur esprit. Ils ont peur de tomber dans le vide sans avoir à quoi se raccrocher, parce qu'ils ignorent que la vacuité n'est pas un vide, mais le domaine absolu, unique et véritable. Notre nature d'éveil surnaturel a, depuis des temps sans commencement, le même grand âge que le ciel. Elle n'est jamais venue à l'existence et jamais ne l'a quittée. Elle n'a jamais existé ni été un néant. Elle ne s'est jamais souillée ni purifiée. Elle n'a jamais été bruyante ni silencieuse, ni jeune ni vieille. Elle n'a ni lieu ni direction, ni dedans ni dehors. Ni nombre, ni quantité, ni forme, ni aspect, ni couleur, ni silhouette, ni son, ni voix. On ne peut la chercher, y aspirer, la connaître au moyen de la sagesse, la saisir avec les mots, la rencontrer dans les objets, l'atteindre avec des mérites. Les Bouddhas et les Bodhisattvas partagent avec tout ce qui grouille et a une âme cette nature de grand nirvana. Cette nature est l'esprit. L'esprit est le Bouddha, et le Bouddha n'est autre que la méthode. Un seul instant quitter l'authenticité, c'est avoir des concepts erronés pour toujours. Il est impossible de chercher l'esprit avec l'esprit, impossible de chercher le Bouddha avec le Bouddha, impossible de chercher la méthode avec la méthode. Par conséquent, c'est directement que les adeptes accèdent au non-esprit. Il suffit pour cela d'une silencieuse coïncidence, vu qu'à la moindre intention, on se trompe. Transmettre l'esprit avec l'esprit, c'est la vue correcte. Faites attention à ne pas poursuivre les objets à l'extérieur, car en prenant les objets pour l'esprit, vous reconnaissez vos fils en ceux qui vous pillent. C'est parce qu'il existe le désir, la haine et l'ignorance que sont immédiatement instaurées la discipline, le recueillement et la connaissance. Note de Patrick Carré. Les trois entraînements remédient aux trois poisons. La discipline réduit le désir-attachement, le recueillement résout la colère-agressivité, et la connaissance détruit l'ignorance. Fin de la note. S'il n'y avait jamais eu de passion, comment l'éveil pourrait-il exister? C'est en ce sens que Wei Neng, le sixième patriarche, déclara « Le Bouddha a enseigné toutes les méthodes qui nous permettent de nous débarrasser de toutes nos pensées. Or, je n'ai aucune pensée. À quoi me serviraient ces méthodes ? N'accrochez donc rien à votre primordialement pure bouddhéité. Elle est comme le ciel. La décorerait-on d'innombrables pierres précieuses qu'aucune ne pourrait rester ? La bouddhéité est pareille au ciel. Bien qu'elle se pare d'innombrables mérites et formes de sagesse, rien de tout cela n'y est fixé. Il suffit de s'égarer par rapport à sa nature fondamentale pour, de tours en détours, ne plus la voir. Dans ce qu'on appelle « méthode de la terre de l'esprit », tout se fonde sur cet esprit. Celui-ci existe quand un objet le sollicite et n'existe pas en l'absence d'objet. Mais on ne peut pas expliquer l'objet en l'ajoutant à notre pure nature. Quand on dit que le recueillement et la connaissance fonctionnent comme un clair miroir, ou quand on parle de conscience ordinaire alerte bien tranquille, on explique l'esprit en en faisant un objet, et cela peut momentanément éclairer les gens de facultés moyennes et inférieures. Si vous voulez en faire vous-même l'expérience, vous ne devez plus vous expliquer les choses de cette façon, car cela vous enchaîne totalement à l'objet. Dans l'être se noie la réalité. Donc, ne pas croire à l'être ou au non-être suffit pour l'avoir.